Alors, avant de vous donner la parole, on avait envie d'introduire donc votre intervention par un extrait de ce qui relèverait, mais c'est une hypothèse, donc on vous la propose en même temps. On voulait vous montrer un extrait d'une bande réalisée par Carole Roussopoulos en juin 1975, au moment de la grève des prostituées de Lyon, et qui, moi, me semble-t-il, effectivement, relèverait de cette pratique de la vidéo-action, ou du moins permettrait de mieux comprendre en quoi consisterait cette spécificité de l'action en vidéo. Donc, quelques mots sur le contexte. En juin 1975, les prostituées vont occuper l'église de Saint-Nizier à Lyon pour protester contre les impôts, les procès-verbaux incessants, les comportements injurieux et violents de la police. Et comme les prostituées ne peuvent pas sortir de l'église, évidemment, sinon elles risqueraient d'être arrêtées par la police, eh bien, Carole Roussopoulos, qui avait entendu parler de cette grève, avait lu que cette grève se tenait dans le journal Libération, s'est déplacée et a proposé aux prostituées d'utiliser la vidéo comme relais de leurs paroles à l'extérieur. Autrement dit, le matin, elles filmaient les prostituées, elles recueillaient leurs paroles, et les vidéos, à peine montées, mais quand même revérifiées, si j'ose dire, par les prostituées elles-mêmes, avec leur accord, étaient remontrées l'après-midi à l'extérieur sur deux moniteurs qui étaient accrochés au flanc de l'église, ce qui permettait donc que leur voix soit entendue, mais sans que les prostituées, je le répète, sortent de l'église. Et c'est ce qui, probablement, a permis effectivement aux prostituées d'occuper cette église pendant plusieurs jours, presque une semaine. Et effectivement, les passants affluaient, et on le voit bien sur cette bande vidéo qui est un remontage après coup, ce qu'on peut appeler un remontage à froid, de ces premières images tournées à chaud. Donc on vous propose de voir ce petit extrait avant donc de donner la parole à Patrice Flichy, et extrait qui pourrait illustrer donc, à mon avis, la puissance des propositions faites par Patrice Flichy à l'époque. Puis maintenant, bon, c'est le cri qu'on a lancé sur les radios, c'est le cri qu'on lance dans les télévisions, c'est le cri qu'on lance partout, que toutes les femmes de France qui se sont concernées, même si ce ne sont pas des prostituées, mais toutes les femmes viennent nous aider dans toutes les églises où il y a des prostituées, qu'elles viennent nous aider parce que nous aider, parce que nous avons besoin d'elles, parce que maintenant, ce n'est plus le fait que ce soit des prostituées, c'est le fait que nous sommes des femmes. Et que Mme Françoise Giroud refuse de s'occuper de nous parce qu'elle ne nous considère pas comme des femmes. Elle nous considère comme des prostituées, donc des putains, donc rien du tout. Et on nous dit que c'est M. Poniatowski qui doit s'occuper de nous. M. Poniatowski, pour l'instant, ne veut pas s'occuper de nous parce que c'est pas non plus son problème. Alors c'est le problème de personne. Alors on voudrait que quelqu'un prenne la parole et nous mette au courant en nous disant à qui ça regarde. On ne sortira pas tant qu'on n'a pas obtenu des résultats très hauts en étant femme et mère. Et pas en étant un sexe et un bas-ventre que les types attendent dehors pour leur sauter dessus. Ça, il n'en est pas question. Avant tout, nous ne sommes pas délicieuses, hein, parce que ces clients qui nous proposent, ce n'est pas nous qui lui disons nous allons faire ci ou ça. Je pense que le vice, ce n'est pas tellement dans la prostituée. Il n'y a aucune d'entre nous qui grimpe au mur parce qu'il lui manque des hommes. Hein, bien au contraire, je crois que tous sont assez décontractés là-dessus. Il n'y a aucune de nous qui se roule par terre parce qu'elle est droguée. Il n'y a pas une goutte d'alcool dans l'église. Donc nous ne sommes pas ni délicieuses, ni des droguées, pas des nymphomanes non plus, et pas des alcooliques. Hein. Et ça, je crois qu'il faut quand même que les gens comprennent. Seulement, il n'y a qu'une chose que toutes ont un souci, c'est leurs enfants. Hein. Et ça, c'est le premier problème. Nous sommes des femmes et des mères. Et tant qu'on ne pourra pas sortir avec cette idée que les gens ont enfin compris ce que nous étions, on ne partira pas. Et que là, on en a assez aussi d'être exploité par l'État. Ben oui, ils se servent de ça, parce que d'abord, ils l'ont dit, la télévision, donc le jour des dossiers de l'écran, nous leur prenons de l'argent pour qu'elles ne le donnent pas aux proxénètes. Ouais. Seulement là, il y a la preuve sûre et certaine que les trois quarts de femmes de prostituées en France à l'heure actuelle n'ont pas de proxénètes. Ben oui, c'est une jalousie du gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui nous prend nos sous. Ah oui, mais c'est un proxénète, c'est le plus grand proxénète, ça, il n'y a pas de problème. Et non, parce qu'on ne peut pas, n'est-ce pas? Puis, tout l'argent qui rentre dans ces caisses, c'est de l'argent qui n'est pas déclaré. Hein? Mais c'est l'argent qui tourne, c'est l'argent qui lui sert. Mais c'est l'argent que les pauvres gens qui sont acculés aussi à payer leurs impôts ne savent pas qu'il y a dans cette caisse 150 milliards qui rentrent par an. Alors maintenant que l'on va payer des impôts, ça va être combien? Ça va être une fortune qui va lui rentrer. Ça va être quelque chose d'incroyable. Hein? Alors, voilà, mais c'est ça. Notre argent sert à colmater toutes les petites fuites qu'il y a à droite à gauche. C'est avec notre argent qui n'est pas déclaré, donc personne ne connaît la source, qui hop, on le met un peu partout et puis ça sert. Puis je crois qu'aussi il faut dire une chose, que l'argent des prostituées sert aussi un peu aux élections. Hein. C'est avec l'argent des prostituées qu'on paye les affiches. C'est avec l'argent des prostituées que tel peut parler en tribune. C'est avec l'argent, tout l'argent des prostituées sert pour ça. Et je crois que tout le monde le sait, mais personne ne va en parler non plus. Personne ne veut soulever le couvert, ne serait-ce qu'un tout petit peu, parce qu'ils ont peur de la vapeur. Hein. Alors nous, maintenant, on en a marre, et on va prendre le couvert à pleine main, et on va l'enlever complètement, et tout va sauter. Et puis je crois que nous aurons acculé à en arriver là.